www.arrestantpodcast.fr. Merci à vous. Bon sang fou, il est 23h. De Newtown peut-elle faire changer la législation sur les armes aux États-Unis? Quatre jours après la fusillade qui a fait 26 morts au Connecticut, le président Barack Obama fait savoir pourquoi il va soutenir la proposition de loi.